بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة الكرام القراءة في هذا الكتاب فصول في الآداب لابن عقيل رحمه الله تعالى des chapitres liés aux mœurs donc le livre d'Ibn Aqil رحمه الله تعالى. Un livre très profitable qu'on a commencé, que, bi'idnillahi ta'ala, comme on avait annoncé dernièrement, on verra aujourd'hui un nouveau chapitre. Il dit l'auteur, rahimahullah, faslun wa yukrahu l'khuyala'u wa zahwu fil mashi. Et certes, donc chapitre, il est détestable, il est détesté ou détestable le fait de marcher avec orgueil. Sauf qu'ici, l'auteur a cité deux mots pour l'orgueil. Al-khuyala wa zahw. Mal farku baynahuma. Quelle est la différence entre les deux? Qalat al-ulama, al-khuyala huwa al-kibru bil jah. Les savants, ils nous disent, al-khuyala, c'est l'orgueil lié au rang social, à la personne en elle-même. Tandis que Al-Zahou, ou Al-Kibru Bil-Mel, ça va être l'orgueil lié au bien que la personne possède. Et donc, il est interdit aux musulmans de montrer de l'orgueil dans sa façon de marcher. Walil Asafi Shadid, Anna Hadha Al-Amr Mawjoudun. في المسلمين في كثير من المسلمين et ce qui est malheureux c'est que cela est présent chez beaucoup de musulmans notamment les jeunes hein, la façon de marcher avec orgueil et donc le musulman doit marcher humblement l'auteur qui nous dit wa innama yamshi qasdan cependant le croyant doit marcher humblement. Qasdan ici c'est humblement. Comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il cite la parole de Luqman à son fils, waqsud fi mashik et marche humblement. Ay mutawadhi'an. Fa innal khuyala mashyatun yubghidha Allah ta'ala illa bayna as-saffayn. Car, certes, l'orgueil est une démarche qu'Allah tabaraka wa ta'ala déteste, sauf entre les deux rangs. C'est-à-dire, sauf lors d'une bataille. Une bataille entre deux armées. Et donc, il est connu que, dans, on va dire, dans le milieu des guerres ou des armées, il est connu que il est important de faire peur à l'adversaire. Il est important de faire peur à l'adversaire. Ici, bien entendu, on parle d'une bataille entre armées, une bataille légiférée, pas une bataille comme on a le sujet de Daesh ou des autres terroristes qu'il peut y avoir. Et comme on a cité, comme souvent j'ai cité dans le sport, les gens ils utilisent le même principe, le fait de faire peur à l'équipe opposée avant le match. Avant le match, le fait de montrer ce que les joueurs sont capables de faire, etc., etc., etc. Et donc, qu'est-ce que l'orgueil, barakallahu fikum? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrafa lana al-kibr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a cité la définition de l'orgueil. Il nous a dit, batrul haq wa ghamtun nas. C'est le fait de rejeter la vérité et de rabaisser les gens. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la réelle définition de l'orgueil. Une fois, je débattais avec une personne concernant la religion musulmane, un débat lié à la religion musulmane et à la religion chrétienne. Et je lui expliquais qu'elle était dans l'erreur. Et je lui disais, mais réponds à telle question. Elle refusait de répondre. Réponds à telle question. Elle refusait de répondre parce qu'elle savait que la réponse n'allait pas aller dans son sens. Alors je lui ai dit, ça c'est de l'orgueil. Non, je ne suis pas orgueilleux. Comment ça tu n'es pas orgueilleux? C'est de l'orgueil. Non, je ne suis pas orgueilleux. Je suis quelqu'un d'humble. Taïb, c'est quoi l'orgueil? Ah, on n'a pas la définition de l'orgueil. Alors là, je vais citer la définition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'orgueil, c'est ça, ça, ça. Maintenant, est-ce que tu rejettes la vérité ou pas? Dis-moi, réponds à cette question et montre que tu ne rejettes pas la vérité. Et donc, l'orgueil est une maladie grave. Le fait de rabaisser les gens, de se sentir mieux que les gens. Wa ayyuha al-ikhwa al-kibru min awwal az-zunubi allati 'usiya Allah ta'ala biha. Oh chers frères, l'orgueil fait partie des premiers péchés par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala fut désobéi. Allah Azza wa Jalla qui nous cite le péché de Iblis. Illa Iblis aba wastakbar. Sauf Iblis qui a refusé et qui s'est empli d'orgueil. Pourquoi est-ce que j'ai dit que Iblis, pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est un des premiers péchés? Et pourquoi est-ce que je n'ai pas dit que c'est le premier péché? Tout simplement parce que les ulama, ils nous disent Hasad Iblis ou Adama qabla an yatakabbar. Ils nous disent Iblis fut jaloux de Adam avant de s'emplir d'orgueil et de désobéir à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il a d'abord été jaloux. Donc cela nous montre aussi la gravité de ce péché, de ce deuxième péché qui est la jalousie. Wal-kibru ayyuhal ikhwa, kama kulna, al-kibru sababun li raddil haqqi. Fal-kibru sababun lilwuku'i fil kufri. Et donc comme nous avons dit, l'orgueil est la cause, du moins même la définition de l'orgueil. Dans la définition de l'orgueil, il y a le fait de rejeter la vérité. Et donc l'orgueil est une cause du fait de tomber dans la mécréance. L'orgueil peut faire tomber la personne dans l'innovation, dans des sectes, etc., etc. Et l'orgueil peut faire la personne tomber dans la mécréance. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, « قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ » Et ceux qui se sont emplis d'orgueil, ils dirent, certes, nous rejetons, nous mécroyons en ce à quoi vous, vous croyez. Subhanallah. Et donc ici, ça c'est la caractéristique des orgueilleux. Et il y a un point, les savants du tafsir ici, ils nous disent dans ce verset, ayyuhal ikhwa, ayyuhal ikhwa, ayyuhal ikhwa, ayyuhal ikhwa, ayyuhal ikhwa, ayyuhal ikhwa, il y a une belle leçon ici. C'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a montré la cause qui a fait que ces gens-là ont mécru. Donc ici, il a cité l'orgueil. Et ensuite, il a cité leur parole, inna billazi amantum bihi kafirun. Certes, nous, nous mécroyons en ce en quoi vous, vous avez cru. C'est-à-dire, antumul fuqara, ceux qui ont cru, les pauvres, qui ont cru parmi, qui ont cru à Salih. Lorsque les pauvres ont demandé justement aux nobles, est-ce qu'ils croient en Salih ? أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّي. Et donc ici, barakallahu fikum, ils se sont posés mutuellement la question. Les riches ont posé la question aux pauvres, et les pauvres ont posé la question aux riches. Pour savoir, vous, est-ce que vous croyez ou pas? Les pauvres ont cru. Et les riches, ils n'ont pas dit, certes, nous ne croyons pas en Salih. Nous ne croyons pas au fait que Saleh fut envoyé par son Seigneur. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, nous ne croyons pas, nous mécroyons en ce à quoi vous, vous avez cru. كيف أنتم آمنتم به قبلنا لو كان خيرا؟ Si c'est un bien, comment se fait-il que vous vous y croyez avant nous? Alors que c'est nous les riches, c'est nous les notables. Comment se fait-il que vous parveniez au bien avant nous? S'il y avait un bien dans le fait de croire à Saleh, on y aurait cru avant vous. Parce que c'est nous les notables, c'est nous qui avons l'argent, c'est nous qui gérons. فَالْكِبْرُ سَبَبٌ لِلْوُكُوعِ فِي الْكُفْرِ Et donc l'orgueil est une cause qui fait les gens tomber dans la mécréance. L'orgueil fait que des gens peuvent rejeter la vérité. Et donc il est important qu'on apprenne nos chers frères à purifier nos cœurs de cette maladie. Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas les orgueilleux. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Et certes, Allah n'aime pas tous ceux qui sont mukhtal. Mukhtal, c'est-à-dire mutakabbir, orgueilleux. Allah n'aime pas tous ceux qui sont orgueilleux. Fakhur, fier, vantard. يفخر بنعمة الله عليه وينسبها إلى نفسه. Il se vante des bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé et il s'attribue donc ses bienfaits à lui-même. C'est-à-dire que il ne dit pas que c'est Allah qui lui a donné ça. Ah, c'est moi avec mon intelligence. Hein? C'est moi qui ai pu écrire tel livre. C'est moi qui ai pu faire telle chose. C'est moi qui ai pu monter tel commerce. C'est moi qui ai construit telle maison. C'est moi qui ai... Subhanallah. Il n'y a pas si longtemps, j'étais allé voir un homme qui avait justement un grand champ à lui. Il avait construit sa maison. Allah tabaraka wa ta'ala lui avait permis de faire ce qu'il avait fait. Un grand jardin naturel chez lui. Allah lui a accordé énormément de bienfaits. Avec un grand lac, beaucoup de poissons, des tortues. Et c'est là qu'il commence. C'est moi qui, et c'est moi qui, et c'est moi qui, et ce mur-là, c'est moi qui, et c'est moi qui, et c'est moi, et c'est moi, et c'est moi. J'ai dit, la ilaha illallah. Il faut qu'on apprenne l'adab, le comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala. On a déjà dit, le comportement se divise en deux, le comportement envers Allah azza wa jal et le comportement envers les créatures d'Allah. Allah, c'est lui qui t'a accordé tout ce que tu as. Toi, tu as fait des causes. Et c'est Allah qui t'a permis de faire ces causes. Et donc, remercie Allah tabaraka wa ta'ala. Ne sois pas comme ceux qui sont orgueilleux et vantards, qui vont affilier les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala à leur propre personne. Wallahu al-musta'an. Fa'al-kibru khuluqun zamimun. La yaliqu bil-muslimi an yatakhallaqa bihi. Et donc l'orgueil est un caractère blâmable, il n'est pas convenable aux musulmans d'être orgueilleux. Au contraire, le musulman doit être humble, car le musulman connaît le destin. Et il sait que tout bienfait que le serviteur peut avoir, alors cela vient de son Seigneur. Le croyant sait que le serviteur est faible. Pourquoi est-ce qu'il va donc s'emplir d'orgueil s'il sait qu'il est faible? C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Hal kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mutakabbiran? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était orgueilleux? Ayyuhal ikhwa, أذكر لكم قصة واحدة توضح لنا الجواب عن هذا السؤال. Oh, chers frères, je vais vous citer une seule histoire, une, qui nous montre clairement la réponse à cette question. وأنتم تذكرون هذه المرأة التي توفي أحد أقاربها فوجدها النبي صلى الله عليه وسلم على قبره تبكي. Et certes, vous connaissez l'histoire de cette femme qui avait perdu un de ses proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé cette femme en train de pleurer sur la tombe de ce proche-là. Elle pleurait, elle criait. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a exhorté cette femme à patienter, à endurer. Mais cette femme, elle lui a dit, « Da'ni, laisse-moi, lam tusab bi musibati. Laisse-moi, tu n'as pas été touché par le mal qui m'a touché. » Ça, on l'entend souvent. Les gens, on va pour conseiller, la personne est touchée par un mal. « Ah, mais toi, tu ne sais pas ce que j'ai, vous ne pouvez pas me comprendre, vous ne connaissez pas le mal que j'ai eu, etc., etc., etc. » Ça, c'est lorsque les gens ne patientent pas, ils n'arrivent pas à patienter sur le mal qui les a touchés. Et donc, il faut absolument jeter ça sur les autres. Et donc, premier point qu'il y a ici, « O cher frère, barakallahu fikum, hadhihi al-mar'a lam ta'rif an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. » لأنه لا يتميز عن غيره من الصحابة في لباسه. Premier point qu'on trouve dans ce hadith, c'est que cette femme-là, elle n'a pas reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a parlé. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se distinguait pas des compagnons dans sa façon de s'habiller. Il s'habillait comme les autres, comme ses compagnons. Il n'avait pas une tenue spéciale du roi ou de si ou du gouverneur. Ou... Non, il était un croyant. Il avait une tenue, il était habillé comme les croyants. Une personne arrive, elle demande, il est où le prophète ? Si ça se trouve, elle peut demander à lui, elle arrive devant le prophète Mohammed, elle lui dit, il est où le prophète Mohammed ? Parce qu'il était habillé comme les autres. Il ne montrait pas d'orgueil dans sa manière, dans sa tenue vestimentaire. Il ne montrait pas qu'il était supérieur aux autres. Mais il appliquait la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Dis certes, je ne suis qu'un être humain comme vous. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Ensuite, dans ce même hadith, les compagnons, ils ont dit à cette femme, قَالُوا لَهَا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ. Ils ont dit, c'est le messager d'Allah. Tu as parlé comme ça au messager d'Allah. Waylak. Malheur à toi, comment as-tu pu lui parler comme cela? Elle est allée auprès du prophète, elle est allée le rejoindre. Et qu'est-ce qu'elle cite dans le hadith? Falam tajid indahu bawabin. Elle n'a pas trouvé de portier ou de gardien ou de vigile chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas trouvé de personne qui le distingue des autres, en fait. Il était comme tout le monde. Alors elle est venue s'excuser au messager d'Allah, je ne savais pas que c'était toi. Il ne lui a pas dit, comment oses-tu me parler à moi comme cela? Je suis le meilleur. Je suis ça. Il ne lui a pas dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Qui es-tu pour me parler ainsi? Il n'a pas dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, innama sabru inda sadmatil ula. Certes, l'endurance, la patience doit être au premier choc. C'est pas après, par la suite, que tu reprends tes esprits. Mais c'est dès le début qu'il faut patienter. Quand l'épreuve, elle est là et que c'est dur. Peu importe que ce soit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui te parle ou un autre, il faut que tu endures dès le début. Et donc il a corrigé cette femme sans montrer aucune forme d'orgueil, sallallahu alayhi wa sallam, car il était humble. Et c'est ainsi que doivent être les croyants, c'est ainsi que nous devons être au Shafkar, barakallahu fikum. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, faslun, wa min makarim al-akhlaqi at-taghafulu 'an dhuhuri masawi an-nas wa ma yabdu fi ghaflatihim min kashfi 'awratin aw khuruj rihin laha sawt aw rih. Et certes, il fait partie des un nouveau chapitre, il fait partie des bonnes mœurs. Le fait de ne pas se soucier ou de ne pas accorder d'intérêt aux mauvaises choses qui peuvent apparaître concernant les gens. Ici, le cheikh, il ne nous parle pas d'innovation ou autre. Il nous donne des exemples. Des mauvaises choses qui peuvent apparaître lorsque les gens ne font pas attention à cela. Telles que la aura d'une personne qui peut être dévoilée. La personne n'a pas fait exprès. Elle s'est penchée, elle s'est mise dans une position et il y a sa aura qui a été vue. Parfois certains ne font pas attention. Ils vont aller à la mosquée en camis, et ils ne vont pas mettre de pantalon en dessous. Ils gardent juste les sous-vêtements. Et parfois, il va s'asseoir, et il y a des choses, il se peut qu'on voit ses cuisses ou autre. Et donc, si tu es seul avec cette personne, alors le cheikh ici, il nous dit qu'il est bien de ne pas montrer à la personne que tu as vue. Il est bien de ne pas montrer à la personne que tu as vue. Par contre, si tu sais que tu es dans un endroit public, la personne, elle a fait ça à la mosquée, il y a d'autres personnes qui sont là, qui peuvent voir. Là, tu lui fais discrètement un signe, attention, il y a les gens et tout. Okay. Attention, ta position dont tu es assis et tout. Et donc, si tu as la possibilité de ne pas montrer à la personne que tu as vue une partie qu'elle devait cacher, alors fais-le. Car cela fait partie du bon comportement. Le cheikh nous donne d'autres exemples. Ou comme le fait que la personne peut avoir un gaz qui fait du bruit. Ou alors un gaz. Qu'est-ce qui est voulu ici? C'est un gaz, si ce n'est pas un gaz qui va faire du bruit, ça va être un gaz qui a une odeur. Et donc, forcément, c'est cette personne-là qui a... Ce gaz-là vient d'elle. Et donc il fait partie du bon comportement de ne pas montrer cela à la personne. De ne pas montrer à la personne que tu sais qu'elle a eu un gaz, etc., etc. Il dit le cheikh, wa man sami'a dhalika fa azhara at-tarash aw an-nawma aw al-ghaflata لِيُزِيلَ خَجَلَ الْفَاعِلِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ. Celui qui entend cela, donc il entend un gaz, la personne qui a un gaz, et qui montre qu'il n'a pas entendu. Il fait comme si de rien n'était, comme s'il n'a rien entendu. Ou alors il montre qu'il dort, ou qu'il n'a pas fait attention à cela, afin d'éviter que l'autre personne soit gênée. Celui qui fait cela, eh bien cela fait partie des bons comportements. Du bon comportement. Pourquoi? Barakallahu fikum. Parce que ici, tu montres que ce qui est arrivé à cette personne, cela aurait pu t'arriver à toi aussi. Cela aurait pu t'arriver à toi aussi. Nous faisons tous nos ablutions. Il n'y a pas une personne qui ne fait pas ses ablutions ici. Tous les musulmans, nous faisons nos ablutions. Parce que nous perdons nos ablutions. Et donc c'est quelque chose qui va toucher tout le monde. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre que Isa ibn Maryam et que sa mère, ils ne méritent pas l'adoration. Il dit, kana ya'kulani at-ta'am. Ils mangeaient tous de la nourriture. On a déjà vu les savants du tafsir qu'ils nous disent, ils mangeaient tous de la nourriture, c'est-à-dire tout ce qu'on mange doit forcément sortir. Et donc ce qui est voulu par là, c'est Issa et sa mère, tous les deux, ont besoin d'aller accomplir leurs besoins. Pourquoi est-ce que vous allez adorer des personnes qui sont comme telles? Et nous avons tout cela, donc nous ne méritons pas l'adoration. Pourquoi est-ce qu'on va se moquer de quelqu'un qui a été touché ou éprouvé par quelque chose qui nous touche tous? Il y a dans cela de l'orgueil. Tu cherches à rabaisser cette personne alors que tu es comme elle. Toi aussi tu es touché par cela. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on ne montre pas quelconque forme d'orgueil. Et qu'on cherche à enlever la gêne du cœur de nos frères. De la même manière qu'il est recommandé de faire rentrer la joie dans le cœur de nos frères, il va être aussi recommandé d'enlever la gêne du cœur de nos frères. Et donc nous devons faire attention à tout cela, oh chers frères. Nous allons continuer, inshallah ta'ala, la lecture de ce livre la semaine prochaine, inshallah. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.